sabi verso che farai, me narrarai, me mancarai, me mancarai, me chiamassio. Pensarai più da che sto figlio. De Marzio revendrai, davanti a porto passerai, te mandarai a Savesino. Fumo si può tu Cattarino, Cattarino se porto bene, se smaridai a bene. Amici della campagna, chi li fai bene, fai re la ramo. E qua bruca per mudare, a mille spazi tu sta, la dolirà, mai se ne fai. Oh, man. en transe à force de transpirer. Tu sais jamais aussi comment ça empirer. La ménagère est déprimée, l'aménagement du territoire, le mètre carré se couche tard. En avant les histoires. Sous la lune, Dieu m'allume, viens bien faire un cauchemar. Sous la lune, Dieu m'allume. Le vieux chanteur, le respectable, l'ancien, l'aîné, on t'a connu vraiment meilleur. Elle est de trop, non? Cette tournée, c'est ton public, ça? Ces voyeurs, bah ils attendent juste ta chute pour la filmer. Pendant ce temps, ton producteur paye le champagne à ton banquier. À vous tous les bien en place, 68 heures bien engraissés. Après vous, le déluge, si ça va que je déclasse, relâchez le pouvoir, sinon je viens le chercher. Mourez-vous, amourez les vieux.